Je peux faire un appel lumineux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux klaxonner. Oui, réponse C. Non, réponse D.